à l'ombre. Et oh, si on peut se battre, porte ton art de hasard. Thank you. Paris, Soufal, Dota, Maïba, Maïba. Gilbert Mboma, Vincent de Paul qui coule la couche. Alice Jardin, la voix. Richard